Peugeot. Saviez-vous qu'une voiture bien entretenue peut éviter une surconsommation de carburant ? Chez Peugeot Service, on sait aussi que c'est un gage de sécurité et de sérénité. Alors n'hésitez jamais à poser des questions à nos techniciens experts. Ils vous expliqueront toujours pourquoi une pièce doit être remplacée ou au contraire, pourquoi ce n'est pas nécessaire. En ce moment, en prenant rendez-vous sur Peugeot.fr, profitez de 50 euros de remise immédiate pour tous travaux d'entretien de votre Peugeot d'un montant minimum de 250 euros, voire conditions en ligne. Peugeot Service. Votre Peugeot, notre passion. France Inter. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Autant en emporte l'histoire, diffusée désormais le samedi à 15h, mais aussi le dimanche soir à 21h après Le Masque et la Plume. Aujourd'hui, Georges Méliès, le magicien du cinéma. Pour Charlie Chaplin, il était l'alchimiste du cinéma. Coppola, Scorsese ou Tim Burton voient en lui le père de tous les réalisateurs. Lui, c'est Georges Méliès, à la fois dessinateur, illusionniste et homme de théâtre, l'homme orchestre qui, en 1896, fit de l'image animée un véritable spectacle avec un univers onirique et drôle bien à lui, un art à part entière. De 1896 à 1913, le génial inventeur des effets spéciaux réalisa plus de 500 films aux titres plus loufoques les uns que les autres. Les Chevaliers du Chloroforme, Les 400 Farces du Diable, Le Royaume des Fées, Le Décapité Récalcitrant et bien sûr le fameux Voyage dans la Lune. Mais celui qui avait connu la gloire sera un jour ruiné et oublié. Georges Méliès détruira ses films et deviendra marchand de bonbons à la gare Montparnasse. Il faudra toute l'énergie des amoureux du cinéma pour le ramener à la lumière et sauver une partie de ses films pour notre plus grand bonheur. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bonjour Laurent Manoni, vous êtes directeur scientifique du patrimoine et du conservatoire des techniques à la Cinémathèque française, la Cinémathèque française qui depuis sa création en 1936 se bat pour sauver les films de Méliès notamment, et qui possède et expose une collection Méliès exceptionnelle. Le réalisateur américain Martin Scorsese, je l'ai dit, considère Méliès comme le père de tous les réalisateurs. Alors, est-ce qu'on peut dire que Méliès est l'inventeur du cinéma de fiction ? Oui, je crois qu'on peut le dire. En tout cas, il a été vraiment l'un des premiers, voire le premier réalisateur à accomplir un geste très important qui consistait à fusionner la magie, qui était un art ancestral que Méliès connaissait très bien puisqu'il était lui-même magicien, à la cinématographie qui venait d'apparaître. Mmh. Et c'est cette fusion, en fait, qui marque la spécificité de Georges Méliès et qui permet à ce dernier de lancer un art extraordinaire, un art effectivement de la fiction, l'art du film à truc, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire au fond, le cinéma à effets spéciaux. Est-ce qu'il avait le sentiment d'être un artiste, Méliès ? Oui, je pense. En tout cas, il a pratiqué en quelque sorte une politique des auteurs bien avant les cahiers du cinéma. C'est-à-dire qu'il s'est mis en avant, il a mis en avant sa propre figure pour réaliser des films, puisqu'il était aussi interprète de ses films. Et il a su créer autour de lui une sorte d'image, de marque, de popularité. C'est pour ça que ses films étaient très populaires à son époque. Et donc, je pense qu'il a réussi à faire en sorte que le statut de réalisateur de films prennent de plus en plus d'importance au fil du temps, à une époque où c'était vraiment difficile. Alors on va le voir, Georges Méliès découvre la technique du cinématographe en 1895, il a alors 34 ans, mais il a déjà une vie bien remplie avant. Par quel chemin va-t-il devenir un inventeur du cinéma ? Quelle a été sa vie avant ? Alors il est né en 1861 à Paris, il est le fils d'un fabricant de souliers de luxe, Louis Méliès, qui avait sa petite usine rue Taylor à Paris. Et Louis Méliès, c'était un commerçant assez aisé. Il y avait une certaine fortune. Et Louis, le père, avait acheté d'ailleurs une propriété à Montreuil, qui deviendra plus tard le premier studio de Méliès. Donc c'est un jeune homme assez fortuné, qui adore sa mère, qui a quelques relations un peu difficiles avec son père, visiblement. Et avec sa mère, tout jeune, ils se rendent tous les deux sur les boulevards pour voir les féeries. Les féeries du Châtelet, les féeries du Théâtre de la Gaîté. C'est quoi des féeries ? Alors les féeries, et voilà, c'est une belle question parce que c'est quelque chose qu'on a totalement oublié aujourd'hui. C'est un art théâtral qui repose sur des effets spéciaux déjà, de l'ordre de l'optique, de l'ordre de la pyrotechnie, des effets de miroir, etc. C'est toujours très théâtral, très magique en fait, et merveilleux. C'est là, c'est vraiment le triomphe de l'illusion sur la scène d'un théâtre. Et ça, le petit Méliès s'en imprègne totalement. Et puis surtout, très jeune, il s'initie à la magie lors d'un voyage à Londres en 1884. Et là, il revient à Paris, mais totalement émerveillé par les grands magiciens anglais. Et c'est là où il se décide de, non, il ne va pas fabriquer de chaussures. Il le dit à son papa qui est furieux. Et il va donc se consacrer à l'art de la magie et de l'illusion et de la féerie. Et il va quand même, investir de l'argent grâce à sa part justement de la fabrique de chaussures qui lui sert quand même. Exactement, oui, là, son père décide de lui donner son indépendance, donc en 1888 il arrive à louer un petit théâtre qui est à Paris, qui est Boulevard des Italiens, qui a été fondé par le plus grand magicien du 19e siècle, qui s'appelait Robert Houdin, auquel nous avons consacré une émission. Ah, parfait. Robert Houdin était mort en 1871, mais il a laissé ce petit théâtre qui était une sorte de petite bonbonnière très bien équipée, et qui a permis à Méliès, à partir de 1888, donc d'en prendre possession totalement, et surtout d'inventer à l'intérieur toutes sortes de trucs, toutes sortes de petites scénettes magiques qui vont lui permettre à Méliès, plus tard, de créer ses propres trucages cinématographiques. C'est très important, cette période magique de Méliès, où il va déjà déployer toute sa fantaisie. On a dit que Georges Méliès avait été formé au dessin par Gustave Moreau, le grand peintre. Alors malheureusement, aucun document ne peut l'attester. Il est vrai que Méliès, il a pas mal raconté de souvenirs qui étaient plus ou moins précis. Parfois, il a un peu enjolivé la réalité, mais là, malheureusement, on ne peut pas le confirmer. Et le 19e siècle, donc, c'est le siècle des progrès, des techniques, des nouvelles techniques. Il y a la photographie, bien sûr, qui est sans photographie, il n'y a pas de cinéma. Et puis, on invente le cinématographe. On en est où là ? Enfin, on est juste avant Louis Lumière, quoi. Exactement. Il y a une première étape qui est absolument essentielle et remarquable. C'est le savant Étienne Jules Marais, qui était physiologiste, qui invente la chronophotographie. Donc, Marais est le premier à filmer en réalité dès 1889. Il réalise des films. Ce sont des films scientifiques. Or, il se trouve qu'un psychologue s'appelait Alfred Binet voulait en savoir plus sur l'art du prestigitateur. Donc, il a demandé à l'équipe de Méliès de poser devant la caméra et de réaliser des films. Et là, on est en 1894, même le cinématographe Lumière. Donc là, c'est la première rencontre, si vous voulez, entre les images animées photographiques et Méliès. Sauf que Méliès, à l'époque, refuse de participer. Il est d'accord pour que ses employés participent, mais pas lui. Il dit non, moi je ne débine pas mes trucs. C'est-à-dire, il ne veut pas montrer comment ça fonctionne. Ah, et bah effectivement, oui. Un vrai magicien ne dit jamais comment les trucs sont faits. En fait. Les réalisateurs, souvent, ne disent pas non plus comment ils font leurs films. Laurent Magnoni, je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Georges Méliès, le magicien du cinéma, un texte de l'écrivain Didier Blonde, grand amoureux du cinéma muet. La réalisation est signée Cédric Ossir. Le cinéma, c'est fini pour moi. Je suis passé de mode, paraît-il. Plus personne ne s'intéresse à mes fantasmagories. Mes sirènes, mes fées et mes étoiles filantes sont remisées au magasin des accessoires, périmées comme moi. Plus personne ne les verra. Il n'en reste rien. J'ai brûlé tous mes films. Il fallait faire de la place, vider les lieux, payer les créanciers. Les deux studios que j'ai construits de mes propres mains à Montreuil ont été démolis. Le théâtre Robert Houdin, où j'ai fait mes débuts d'illusionniste, vient d'être détruit lui aussi. Et pourtant, j'ai connu la gloire. Dans toute l'Europe, et même en Amérique, on m'appelait le magicien de l'écran, le Jules Verne du cinéma. Mais les enfants, qui étaient mon public préféré et le plus fidèle, ont grandi. Ils veulent du vrai, maintenant, sur l'écran. Du réel. Plus personne ne sait qui je suis. On me croit mort, peut-être. En 1929, Georges Méliès tient une petite boutique de confiserie et de jouets dans le hall traversé de courants d'air de la gare Montparnasse. Il vend aux enfants et à leurs parents des sucres d'orge, des serpentins ou des moulins à vent de papier de toutes les couleurs. Vêtu d'un gros manteau à col d'astrakhan rescapé de ses années fortunées, la pipe éternellement vissée au bec, Georges Méliès se tient aux côtés de Jeanne d'Alcy, sa deuxième femme, qui a été autrefois la vedette de la plupart de ses films. Quand un jour, un jeune homme s'attarde devant son étal. Monsieur, vous êtes bien monsieur Méliès ? Vous croyez ? Moi, je ne sais plus très bien qui je suis. Un fantôme, peut-être. Que désirez-vous ? Un de ces sachets de berlingots. Ils sont délicieux. Ou cette boîte à musique. Joli, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que vous me connaissiez ? C'est donc bien vous. Paul Gilson, un de vos admirateurs. J'ai vu vos films autrefois. Le voyage dans la lune, le manoir du diable, l'homme à la tête de caoutchouc. C'est vieux tout ça. Oubliez. Ah, ne dites pas cela. J'ai quelques amis, comme moi, qui se souviennent de vos films. Comment êtes-vous arrivé ici ? Chut ! Passez à la trappe. Volatilisé, comme mes personnages. Effacé, Méliès. Mon dernier tour de passe-passe. Êtes-vous bien sûr que je ne suis pas une illusion ? Je vais peut-être disparaître, là, maintenant, sous vos yeux. Tenez, allons prendre un café, c'est au bout du hall. Jeanne, je m'absente un moment, je vais à la buvette. Ne sois pas trop long, au moins. Je vais aller faire les courses chez nos fournisseurs. Tu dois tenir la boutique. Oui, oui, je sais. Venez, jeune homme, suivez-moi. Jeanne ? Oui, c'est elle. Jeanne d'Alcy, la star de la star film. Elle a un peu forci depuis l'époque où elle jouait les fées et un peu changé de caractère. Pas toujours facile. Que voulez-vous ? Les étoiles vieillissent aussi. Mais je lui dois beaucoup. C'est grâce à elle que je ne suis pas à la rue, comme vous voyez. La boutique lui appartient. Et nous habitons à côté de la gare, même si il m'a fallu l'épouser pour ça. Voilà, asseyons-nous à cette table. Ici, nous serons tranquilles. Étienne, servez-nous deux cafés, s'il vous plaît. Tout de suite, c'est Méliès. Et que faites-vous dans la vie, monsieur Gilson ? Je suis poète et critique de cinéma. Ah, un rêveur, alors, hein ? Je connais ça. Et vous avez vu mes films. Vous deviez être qu'un gamin. Mais c'était au théâtre Robert Houdin. Ah, c'est là que j'ai commencé à créer mes petites scènes de magie. Je faisais des numéros de prestidigitation. Vous m'avez vu escamoter les dames. Le théâtre Robert Houdin se trouvait sur le boulevard des Italiens. Déserté par le public après la mort de son fondateur, le plus grand illusionniste français, il avait été racheté par Méliès en 1888. Avec ce théâtre, dont il sera directeur pendant 30 ans, il trouve le lieu idéal pour réaliser tous ses projets. C'est là que je connaîtrai la gloire. J'ai décidé de conserver toute la troupe. Parmi elles, j'ai tout de suite remarqué une femme, ravissante, petite, très petite. Elle mesurait 1m50. Ce qui est la bonne taille pour les tours d'escamotage. Et elle avait la tête bien remplie. Elle s'appelait Fanny Magneux. Je l'ai baptisée d'un nouveau nom de scène, plus adapté à nos ambitions. Elle serait dorénavant Jeanne d'Alcy. Au théâtre Robert Houdin, j'ai innové en créant de véritables scénettes de magie en plus des simples tours de prestidigitation traditionnels. C'était un bonimenteur qui nous présentait. Et maintenant, mesdames et messieurs, après le décapité récalcitrant, voici le clou de notre spectacle. Le page mystérieux. Un numéro d'escamotage comme vous n'en avez jamais vu. Ni à Paris, ni à Londres, ni nulle part dans le monde, ni même ailleurs. Maestro, s'il vous plaît. avec Monsieur Méliès et la jeune et charmante Madame Jeanne d'Alcy. Madame d'Alcy va prendre place à l'intérieur de ce coffre. Voilà. Monsieur Méliès ferme le coffre à double tour. Il y ajoute tout autour cette corde. Soigneusement, je vous prie. Un nœud. Deux nœuds. C'est parfait. Impossible de sortir. C'est du solide. Et maintenant, Monsieur Méliès couvre le coffre de cette belle étoffe chamarrée. Attention! Êtes-vous prêt, Monsieur Méliès? Trois coups de baguette. Un coup de pistolet. Maestro! À présent, ouvrez le coffre, Monsieur Méliès. Un nœud. Deux nœuds. Double tour de clé. Il est vide. Que s'est-il passé? Nulle trace de Madame d'Alcy? Qu'est-elle devenue? Quelqu'un a-t-il vu Madame d'Alcy? Disparue? Envolée? Non! La voilà! Assise parmi vous au dernier rang de la salle! Venez jusqu'à nous, Madame d'Alcy. Pas de mal pendant votre transport aérien. Toujours aussi gracieuse, vraiment. On les applaudit. Je n'ai pas connu cette époque. Vous étiez trop jeune. C'était avant mes projections cinématographiques. Je terminais chacun de mes spectacles par une séance de lanterne magique qui avait été celle de Robert Houdin lui-même. Des vues animées et en couleur. Elles étaient merveilleuses. Ah, te voilà. Faut que je vienne te chercher jusqu'ici. Georges, je te rappelle que je pars aux courses. Voilà, j'arrive. Je reviendrai vous voir, Monsieur Méliès. Tenez, jeune homme, vous oubliez ceci. Mais c'est mon portefeuille. Je restitue toujours, sans prélèvement. Vous pouvez vérifier. Vous voyez, j'ai pas perdu la main. Et c'est moi qui vous offre le café. Comme bien d'autres, depuis quelques années, le jeune propriétaire du théâtre Robert Houdin s'intéressait aux vues animées. À Lyon, les frères Louis et Auguste Lumière, l'un chimiste et l'autre physicien, travaillaient à la confection de leur propre appareil. Méliès connaissait bien leur père, Antoine, directeur d'une usine de fabrication de plaques photographiques, qui louait un atelier au dernier étage de l'immeuble du théâtre Robert Houdin et avec lequel il entretenait des relations d'amitié. Ah, mon cher Méliès, ça y est, mes fils ont résolu leur problème. Ils ont mis au point leur appareil. Bravo, j'en suis heureux pour eux et je vous félicite, mais ça a déjà été fait. Attendez, ce n'est pas seulement un appareil d'enregistrement. Il permet aussi des projections. Des projections sur un écran? Sur un grand écran. Les images peuvent être vues par tout un public en même temps. Louis en a déjà fait plusieurs présentations à des congrès scientifiques. Et vous ne m'en avez pas parlé? Ne vous emballez pas. C'est une simple invention technique qui ne peut intéresser que des spécialistes. Ils l'appellent le cinématographe. Un nom barbare, trop compliqué, qui n'aura aucun succès. J'aurais préféré quelque chose de plus poétique. Domitor, par exemple. C'est joli, Domitor, non? Enfin, demain soir, nous donnerons une représentation à Paris, près de l'Opéra. Vous qui aimez épater votre public avec tous vos trucs, cela peut vous étonner aussi. Je vous y invite bien volontiers. Et le 28 décembre 1895, dans le salon indien au sous-sol du Grand Café Boulevard des Capucines, a lieu la première représentation publique et payante du cinématographe Lumière. La séance n'attire pas les foules, on ne compte qu'une trentaine de personnes. Mais, très vite, le bouche-à-oreille amène de nombreux curieux et la file s'allonge sur le trottoir. 10 films de 50 secondes chacun y sont projetés, dont la sortie des usines Lumière, l'arroseur arrosé, le repas de bébé. Les spectateurs sont sidérés, émerveillés, effrayés. Méliès y assiste, accompagné de Jeanne. Pour ménager ses effets et surprendre son public, Lumière avait laissé la première image immobile pendant quelques instants. En voyant cela, je me suis dit, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? Voilà des années que je fais des projections, moi aussi, avec ma lanterne magique. Mais quand tout à coup, le projectionniste a tourné la manivelle et que les personnages se sont mis en mouvement, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était stupéfiant. Je n'avais jamais éprouvé une émotion aussi intense. C'était la vie même. Des hommes, des femmes venaient à notre rencontre. Un train allait traverser la toile et se précipiter sur nous. Même les feuilles des arbres bougeaient sous l'effet du vent. J'ai dit à Jeanne, voilà mon affaire, un truc formidable. Dès la fin de la séance, je me suis précipité vers Antoine Lumière. Alors, qu'en dites-vous ? Il me faut votre appareil pour mon théâtre. Je vous l'achète. Mais il n'est pas à vendre. Vous êtes un ami. Alors vous me comprendrez facilement. Je veux en faire moi-même l'exploitation. Je vous en offre 10 000 francs. Cher ami, inutile d'insister. Non, vraiment, cette invention n'est pas à vendre. Je dis cela dans votre intérêt. C'est une simple curiosité scientifique, sans aucun avenir commercial ni artistique. Une fois passé l'effet de surprise, les gens vont vite s'en lasser. D'ici quelque temps, vous me remercierez. Croyez-moi, car pour vous, ce serait la ruine. Jeanne, tu te rends compte de ce que nous pourrions faire avec un appareil comme celui-là ? Tout le parti qu'on pourrait en tirer pour nos spectacles ? Lumière ne comprend pas. Quel entêté ! Et moi, j'ai des idées plein la tête. Il y a tout à inventer. Tu veux filmer nos numéros ? Pas seulement. En créer d'autres. Dans des décors, il faut enchanter le monde. Raconter des histoires, émerveiller le public. Au lieu de simplement filmer la réalité. Et tu en seras le personnage principal. Avec toi ? Mais c'est toi qu'on regardera. Tu seras la plus belle. Je sais comment nous procurer un appareil. Nous allons voir Robert William Paul à Londres. Je le connais. Je suis certaine que lui a trouvé la solution. Il pourra nous aider. À Londres ? Tous les deux ? Tous les deux ? Est-ce que nous ne partageons pas déjà beaucoup de choses ? Au cours d'un précédent voyage, Jeanne avait rencontré l'inventeur Robert Paul, qui de son côté avait acheté la fabrication d'un appareil, le théatographe. Méliès et Jeanne, qui s'étaient beaucoup rapprochés, profitent de ce nouveau voyage pour le transformer en une escapade amoureuse clandestine et devenir amants. Georges achète un exemplaire du théatographe à Paul, le transforme, grâce à son génie de la mécanique, en un appareil d'enregistrement et de projection qu'il baptise le kinétographe. Et il réalise son premier film, La partie de cartes, imité de l'un des films Lumière. Puis il se lance très vite dans des créations plus personnelles, toutes fondées sur des trucages, qu'il projette au cours de ses soirées au théâtre Robert Houdin. Le manoir du diable, le château hanté ou l'auberge ensorcelée. La magie est sur l'écran. C'est par hasard que j'ai inventé mon premier truc. Un jour où je filmais la place de l'Opéra, l'appareil, encore bien rudimentaire, s'est enrayé, la pellicule s'est bloquée. Le temps de réparer, une minute à peine, et de reprendre le tournage, les passants, les voitures avaient changé de place. Et en projetant le film que j'avais recollé, j'ai eu la surprise de voir les hommes se changer en femmes et l'omnibus Madeleine-Bastille devenir un corbillard. Je venais de trouver le truc par substitution que j'ai aussitôt appliqué à l'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, avec Jeanne, bien sûr, dans le rôle de la dame. Et ça n'était qu'un début. Pour faire apparaître un fantôme, j'inventais la surimpression. Nouveau truc. Le fond noir avec prise multiple, autre truc pour quatre têtes embarrassantes. Le cache, encore un truc, qui permet de me voir dialoguer avec moi-même à chaque film, un nouveau truc. le fondu enchaîné, le ralenti, l'accéléré, le gros plan, le fond déroulant et même la couleur. J'ai tout inventé. Tous les procédés que mes concurrents se sont appropriés par la suite en me laissant sur la paille. Mais le plus grand truc de Méliès, c'est le studio de pose qu'il est le premier à imaginer et à construire selon ses plans dans le jardin de sa propriété de Montreuil. Le studio est protégé des intempéries par ses parois de verre qui laissent passer la lumière du jour, doté de mécanismes pour actionner les trappes et les cintres, tendu de toiles de fond soigneusement décorées par ses soins d'accessoires en tout genre. Méliès peut ainsi réaliser ses effets spéciaux. C'est son usine à rêve, sa boîte magique. À côté des frères Lumière et de leurs opérateurs, qui enregistrent le réel avec leurs reportages, lui crée le spectacle cinématographique. Le public de théâtre Robert Houdin, de plus en plus nombreux, s'enthousiasme pour ses féeries. La réputation de sa petite société, la Star Film, devient vite internationale. Méliès se lance dans des productions de plus en plus ambitieuses, avec des dispositifs complexes, de nombreux comédiens et une nouvelle recrue, la jeune Bleuette Bernon. C'est vous qui m'avez envoyé cette magnifique gerbe de roses, monsieur Méliès? Elles sont magnifiques, mais je ne sais pas si je peux les accepter. La beauté va à la beauté, elle s'accorde à ta robe. C'est toi qui es magnifique, Bleuette. Gracieuse, mince, élancée, tu attires tous les regards. Sais-tu que je suis un peu jaloux? Je t'invite à dîner ce soir au café anglais. Mais je suis mariée. Moi aussi, et j'aime Eugénie, c'est une brave femme. Mais nous avons plusieurs vies dans notre métier, elle y comprend rien. Et puis il y a Madame Dalcy. Ah, tu sais ça aussi. Mais Jeanne n'est plus ce qu'elle était. Ses réclamations perpétuelles m'excèdent et puis elle a pris subitement de l'embonpoint. Je suis obligé de la changer d'emploi. Écoute, c'est toi que je veux dans mon prochain film, à la première place. Qu'est-ce que ce sera cette fois? Barbe Bleue. Une nouvelle féerie, d'après Perrault? Et tu seras la fée. Mais il n'y a pas de fée dans Barbe Bleue. À quoi ça sert d'avoir de l'imagination si c'est pour ne pas s'en servir? Il y aura une fée dans mon Barbe Bleue pour toi. Et vous serez Barbe Bleue, je suppose. Barbe Bleue, chevelue et ventripotent. Vous qui êtes chauve comme un œuf et mince comme un clou, personne ne vous reconnaîtra. Je me réserve aussi le rôle du diable, sans perruque et en collant, ça me va mieux. Mais il n'y a pas de diable non plus dans Barbe Bleue. Peu importe, Perrault, ce Barbe Bleue sera le mien, celui de la Star Film, avec une fée et un diable. Vous aimez beaucoup le diable, monsieur Méliès. Vous le jouez souvent dans vos films. C'est naturel. Tu trouves pas que je lui ressemble? Pas besoin de postiche ni de maquillage. J'ai la tête de Méphistophélès. Vous ne respectez pas la religion. Je me suis marié à l'église quand même. Mon diable est un truc de cinéma comme un autre. Apparition et disparition subite. Tout ça dans un nuage de fumée. Le public aime ça, c'est ma signature. Et que doit-elle faire cette fée qui n'existe pas? Être là, c'est tout. On ne verra qu'elle. À la fin, elle ressuscite les mortes. Toutes les femmes que Barbe Bleue a pendues dans le cabinet interdit, avec sa baguette magique et tes beaux yeux. Et le diable est vaincu, si ça peut te rassurer, tu vois. C'est quand même bien mieux que chez Perrault. Allez, viens, Bleuette. Ma petite fée, j'ai déjà réservé la table. Nous allons dîner au café anglais. Mais Georges Méliès ne tourne pas que des féeries. Fidèle à l'engagement républicain de sa jeunesse contre le général Boulanger, qu'il avait caricaturé dans la presse, il réalise un film pour défendre Alfred Dreyfus au moment de la révision du procès. Un film militant. Jamais personne n'a fait un tel film avant moi. Le premier film politique, personne n'a osé. Mais j'étais trop indigné par l'injustice qui m'a toujours révolté. J'ai reconstitué l'affaire dans des tableaux réalistes, cette fois, sans trucage et en direct, avant même que Dreyfus ne soit plus tard reconnu innocent, ce dont j'ai toujours été convaincu. J'ai tenu moi-même le rôle de Maître Laborie, son défenseur, qu'on a voulu assassiner. Tout le monde a été surpris. On ne reconnaissait pas en moi l'auteur de farces et de fantaisies. Je me suis fait des ennemis. Les projections qui déchaînaient des bagarres dans le public ont vite été interrompues. Mais elles ont connu un grand succès à l'étranger et contribué à m'y faire connaître davantage. Et c'est à cette occasion que Charles Pathé est venu me voir. Mon cher Méliès, vous savez que je suis un de vos admirateurs. Vous m'admirez tellement que vous imitez mes films. Oh, pas aussi bien. Mes réalisateurs n'ont pas votre talent. Vous êtes unique dans votre genre. Mais c'est hélas le jeu de la concurrence. Le cinéma exige maintenant de gros capitaux. Pas pour moi. Je suis un artiste, pas un industriel. Soyez lucide et compréhensif. C'est en ami que je viens vous voir. C'est vrai, vous connaissez le succès, mais cela vous coûte beaucoup d'argent. Vous en rapporte peu, vous êtes victime de contrefaçon, et la star film ne pourra pas se maintenir toute seule. Je tiens à mon indépendance. Ça n'a pas de prix. Pour le moment, peut-être. Mais tout va très vite actuellement. Vous savez qu'Edison est en train de fermer le marché américain en productions étrangères. Que celui des forains, en France même, qui sont vos principaux clients, a été réglementé et considérablement limité. Que de grosses sociétés se montent ici et partout en Europe. La vôtre, par exemple. Au lieu d'être des rivaux, je vous propose de nous associer. Pour que mes films passent sous votre contrôle. Pour que vous me disiez ce que je dois faire. Que vous perciez le secret de mes trucs. Jamais. J'écris mes propres histoires. Je confectionne mes décors. Je suis acteur, cinéaste. Je finance mes films sur mes propres fonds. Personne ne me dirigera. Vous êtes orgueilleux. Mais je suis libre. Et repoussant la proposition de Charles Pathé, Georges Méliès se lance dans une grande production inspirée de Jules Verne, avec de nombreux acteurs et figurants recrutés dans les music-halls, quantité de décors, de costumes et de trucs inédits. Un film qu'il considère comme son chef-d'œuvre, Le Voyage dans la Lune. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers publics, petits et grands, vous allez avoir l'immense privilège d'assister aujourd'hui à la projection de la plus formidable production de la Starfilm. Vous serez les premiers hommes, avec femmes et enfants, à faire le voyage dans la Lune. Vous verrez des savants un peu fous, des étoiles filantes aux beaux sourires, un clair de terre, des grottes enchantées peuplées de champignons géants, des indigènes bondissant à tête de vautour et pinces de crabe. Attention, l'expédition risque d'être mouvementée, périlleuse. Ramponnez-vous à vos sièges. Comme vous le voyez, nous sommes ce soir à une réunion des membres éminents de l'Astronomic Club. Les savants du monde entier, en toge, collerette, chapeau pointu et barbe majestueuse, sont impatients d'écouter la communication exceptionnelle de leur président, le célèbre professeur Barbanfouilly. Le professeur Barbanfouilly présente maintenant à ses dignes et honorables collègues son audacieux projet de voyage sur la Lune à bord d'un obus spatial lancé par un canon géant. Mais il y a de la contestation dans l'Assemblée. On s'agite, on s'invective, on se bouscule, on perd la tête. Les perruques se décrochent, les chapeaux s'envolent. Enfin, cinq courageux héros acceptent de suivre le professeur Barbanfouilly dans sa folle équipée. Ton film est une réussite, Georges. Mais tu l'as fait sans moi. Jeanne, je te donnerai d'autres rôles. Des seconds rôles ? Insignifiants, ceux de vieilles femmes, lourdes et effacées, en arrière-plan. C'est Bleuette que tu as choisi cette fois pour incarner Phébé, qui se balance, alanguie sur le croissant de lune. Tu te souviens, moi aussi j'étais la lune, autrefois, dans tes films. Ne commence pas. Tu ne m'aimes plus, Georges. Je ne quitterai jamais Eugénie ni mes enfants. Tu t'accommodes bien de ta double vie. Tu veux toujours plaire, séduire, le public, les femmes. Après Bleuette, ce sera une autre, et puis encore une autre. Il faut qu'on t'admire. Tu es un enfant, Georges. Tu t'amuses. Tu es égoïste. Mais tu vieillis, toi aussi. Avec cette âme d'enfant qui le caractérise, Georges Méliès continue d'enchaîner des dizaines de féeries. Le royaume des fées, le voyage à travers l'impossible. Mais ses films se vendent de moins en moins bien. Gaumont et Pathé dominent la production française et européenne. Le public se lasse de ses fantasmagories, réclame des films plus réalistes, tournés en extérieur, ce que Méliès s'est toujours refusé à faire. Il se sent de plus en plus seul, sans dette, n'a pas les moyens de lutter contre les grandes firmes, sa production se raréfie, puis s'arrête totalement. Méliès. Charles Pathé décide de lui faire une nouvelle proposition. Vous ne tournez plus. Le cinéma ne vous manque pas. Mais vous voyez, je suis encore bien occupé par mon théâtre. Un spectacle à organiser. La gestion des affaires. J'ai même été nommé président de l'Académie de Prestidigitation. Et nos réunions se tiennent ici, à Robert Houdin. Et c'est beaucoup de travail. Vous méritez mieux que ça. Vos studios de Montreuil sont maintenant silencieux et laissés à l'abandon. Bah, évidemment, vous avez construit les vôtres juste à côté. Et Léon Gaumont a créé une véritable usine à la Villette. Je vous propose de sortir de votre théâtre. De retrouver tout ce que vous aimez et ce que vous savez si bien faire. D'être votre commanditaire. Je suis aussi endetté que vous parce que j'ai toujours aimé vos films. Je ne serai pas un de vos réalisateurs. Vous serez libre. Je vous donne carte blanche. Même pour une féerie ? Je ne serai que votre producteur et votre distributeur. Pour le reste, faites à votre idée. Je ne sais pas. Ce serait tentant de montrer ce que je suis encore capable de faire. Je vais y réfléchir. Mais Méliès n'est plus que l'ombre de lui-même. Incapable de se renouveler, il est devenu anachronique. Les féeries qu'il réalise pour Pathé sont des échecs. En 1913, l'année où il tourne son dernier film, qui ne sera même pas distribué, il perd sa femme, Eugénie, qu'il avait si souvent trompée, mais à laquelle il était resté très attaché. Le théâtre Robert Houdin périclite. Tout s'effondre autour de lui. Sa ruine est consommée. Sa propriété de Montreuil, avec ses studios, est saisie et mise aux enchères. Une nouvelle génération de cinéastes français et américains, comme Louis Feuillade, Abel Gance ou David Griffiths, est apparue, qui a déjà fait de lui un homme du passé. Madame Dalcy ? Madame Méliès, je vous prie, depuis quelque temps. Même si je ne suis que la seconde. Je vous ai déjà vue ? Est-ce que nous nous connaissons ? Pardon, oui, Madame Méliès, c'est moi qui suis venue il y a un mois. Je suis Paul Gilson. Monsieur Méliès n'est pas là ? Bien sûr, c'est lui que vous voulez voir. À cette heure-ci, il est à la buvette à prendre son café. Il va revenir. Il devrait déjà être là. Midi, c'est son heure de boutique. Vous avez l'air bien réjoui. Je vais l'attendre ici, avec vous. Ah, vous l'avez toujours ? Tenez, je vous achète cette petite boîte à musique. Vous savez, Madame Méliès, moi, c'est plutôt Jeanne Dalcy que j'ai connue. Je l'ai même vue récemment. Vraiment ? Vous êtes bien mystérieux. C'est juste, vous êtes un poète. Vous rêvez, vous avez des visions. Ah, eh bien, le voilà qui arrive. Georges, ton jeune ami, Paul Gilson, tu te souviens de lui ? Bonjour, monsieur Gilson. Vous ne m'avez donc pas oublié. Merci de votre visite. Ah, je vous avais dit que je reviendrais. J'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles. Ça nous changera. Nous vous écoutons. Un des amis dont je vous avais parlé la dernière fois, un de vos admirateurs, lui aussi, qui est directeur d'une salle de cinéma à Montmartre, il a découvert, par le plus grand des hasards, à cause d'une panne de son automobile, un grand nombre de vos films dans un vieux château normand. Quoi ? Le château servait de salle de projection autrefois. Les bobines marquées de l'étoile de la Star Film y étaient restées empilées depuis tout ce temps, dans un coin de la laiterie. Vraiment ? Et moi qui croyais les avoir toutes brûlées ? C'est comme cela que je vous ai vue, Madame Dalcy. Pardon, Madame Méliès. Bon, beaucoup étaient en très mauvais état. Elles sont hélas irrécupérables. Mais il y en a 8 qui sont intactes. Vos films sont sauvés. Mais qui ça peut-il intéresser, ces vieilleries, à part vous ? Moi et Jeanne, peut-être. Mais bien sûr que cela m'intéresse. Ma jeunesse me survivra. Je suis aussi Jeanne d'Alcy. Justement, avec cette amie, nous avons décidé de donner une soirée pour les projeter. Nous voulons vous rendre hommage. Et c'est pour vous y inviter que je suis venu vous voir. Nous tenons absolument à votre présence. Avec celle de Madame d'Alcy, bien sûr. Et le 16 décembre 1929, à la salle Pleyel, a lieu une grande soirée de gala où sont présentés les 8 films rescapés de Méliès. Jeanne d'Alcy a pris place, seule dans la loge d'honneur. Méliès se dissimule dans les coulisses. Et à la fin de la projection, son arrivée surprise sur scène, en habit de soirée, déchaîne les applaudissements. Des articles paraissent dans la presse. Méliès reçoit la Légion d'honneur avec pour parrain Louis Lumière. Les deux inventeurs du cinéma sont réunis dans une même célébration. Mais malgré ces manifestations de reconnaissance qui lui apportent un grand réconfort moral, sa situation financière ne s'améliore pas. Avec Jeanne et sa petite fille dont il assure l'éducation, Méliès se retire dans un appartement du château d'Orly, propriété de la mutuelle du cinéma destinée aux futurs retraités qu'on a mis à sa disposition. J'ai toujours le même âge, celui d'un enfant qui veut rire, jouer et rêver. Mon royaume est enchanté. Il est peuplé de sirènes et de dragons. Mes amis sont des dames fantômes. La fée Libellule, la fée Carabosse, de bonnes bergères et de méchantes princesses. Le baron de Munchausen et le géant des neiges, Guignol et Tartarin de Tarascon, le petit chaperon rouge, Barbe Bleue, Cendrillon et Gulliver, Triboulet et Coppelia. Des hommes mouches ou à tête de caoutchouc, des cartes vivantes. Des papillons fantastiques, des magiciens, des fakirs, des sélénites, la lune et même le diable quand il me joue des farces. Je crois que je ne changerai jamais. Je ne veux pas que le spectacle s'arrête. Je serai toujours ce petit garçon fasciné, émerveillé, sur son siège, qui crie encore, encore, quand le grand rideau rouge de la scène se referme lentement sur l'écran. Georges Méliès, le magicien du cinéma, de Didier Blonde, avec Georges Méliès, John Arnold, Jeanne d'Alcy, Luce Mouchel, Paul Gilson, Thomas Rortet, Bleuette Bernon, Anaïs Muller, Antoine Lumière, Stéphane Bernard, Charles Pathé, Guillaume Durieux, Le Bonimenteur, Laurent Ferraro, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Valentin Azan-Zielinski et Kevin Delcourt, assistant à la réalisation Jules Benveniste, réalisation Cédric Ossire. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur Georges Méliès avec mon invité Laurent Manoni. Norah Jones, Can You Believe sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Paul Laporte, assisté de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Loïs Moreau. Laurent Manoni, donc, ce qui est passionnant avec Méliès, c'est, on se rend compte que le cinéma, tel qu'on le connaît, hein, donc c'est la photographie, évidemment, c'est le cinématographe des Frères Lumière, mais c'est aussi la magie, c'est aussi à la prestidigitation que l'on doit le cinéma. En tout cas, effectivement, comme vous le disiez, c'est le cinéma de fiction, le cinéma tel que l'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le cinéma, les blockbusters que l'on connaît aujourd'hui, reposent en fait sur l'art des effets spéciaux. Donc c'est Méliès, effectivement, qui a inventé ce procédé. Oui, c'est sûr. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est tellement apprécié aux États-Unis, non ? Voilà, tous les réalisateurs se revendiquent de lui, c'est assez impressionnant. À la Cinémathèque, on a reçu George Lucas une fois, qui est venu un peu à l'improviste visiter les réserves, et il a posé la main sur la caméra de Méliès. Qu'on a la chance de posséder, il a dit ça c'est le départ de Star Wars. C'est pas mal ça. Alors, je vous propose d'écouter la voix de Georges Méliès, c'est un document de 1937, vous m'avez dit Laurent Manoni, le spécialiste. Oui tout à fait, c'est un document merveilleux, très émouvant. Donc il raconte ici comment, un peu par hasard, il a rencontré Louis Lumière en 1895. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Béroudin. Et comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café, parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. » J'avais été épaté ? Naturellement, tout ce qu'il y a de plus épaté. Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous avez tout de suite pensé à votre public. Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire. Un truc extraordinaire. Un truc extraordinaire, donc c'est la voix de Georges Méliès, un document unique qui date de 1937. C'est extraordinaire quand même aussi d'imaginer le choc que ça a pu être, de voir des images animées comme ça, de voir des gens qui bougent. Ça suscite à la fois de la magie et puis en même temps de la frayeur. C'est vrai que les Frères Lumière, lorsqu'ils commencent à projeter leur film, ça provoque déjà un choc énorme, puisqu'on voit des choses très réalistes qui arrivent sur l'écran. Mais il faut bien comprendre que lorsque Méliès montre des diables, des surimpressions, des disparitions, des juxtapositions sur l'écran, bah c'est quelque chose aussi d'extraordinairement nouveau, et ça bouleverse en fond le public qui commence très vite à raffoler du genre Méliès, comme on disait à l'époque. Et il y a de l'humour aussi beaucoup dans ses films. Alors, il y a beaucoup d'humour, et lui-même était un homme qui n'arrêtait pas de plaisanter. C'est quand même un esprit extrêmement drôle, toujours de bonne humeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est une forme d'homme orchestre. Il fait tous les métiers du cinéma. Il est réalisateur, producteur, décorateur, machiniste, acteur même, il fait tout. Oui, alors justement, en 1900, il a fait un film qui s'appelle L'Homme Orchestre, voilà, qui le désigne totalement. Dans ce film, il se reproduit lui-même en 6 fois. C'est une espèce d'exemple de clonage extraordinairement hardi au point de vue de la technique. Et alors, c'est très important ce que vous dites, parce que Méliès, en fait, incarne tous les corps de métier du cinéma à son époque. Il est réalisateur, il est producteur de ses propres films, il est distributeur de ses propres films, il a son propre studio qu'il a conçu lui-même, il a son laboratoire où il va développer et tirer ses films, qu'il envoie à travers le monde entier, il est scénariste, il est acteur de ses propres films, il est costumier, il réalise lui-même les décors de ses films, les dessins qui subsistent de ses décors sont superbes. Il va recruter les comédiens aussi. Il recrute les comédiens, il les dirige, et donc, bien sûr, il crée lui-même tous ces trucs. Donc il faut dire que c'est un cas unique dans l'histoire du cinéma. C'est un cas totalement atypique, et d'ailleurs qui finit sans doute par énerver les éditeurs de films à l'époque, les gros éditeurs de films qui commencent effectivement à le voir d'un mauvais œil. Quelqu'un comme Pathé ou Gaumont, qui repose eux sur des écuries de réalisateurs, de techniciens et d'acteurs, au fond rêvent un peu d'avoir sa peau. Hein. Est-ce que c'est pas justement ce côté artisanal qui fait que Georges Méliès va être happé par le cinéma industriel, cette dimension industrielle? Absolument. Le cinéma commence à devenir une industrie au cours des années 1900, notamment grâce à Charles Pathé, qui a un réseau tentaculaire à travers le monde. Il faut bien comprendre qu'avant la guerre de 14, le cinéma français, notamment grâce à Pathé, a été la première production cinématographique au monde. Nous régnions à cette époque sur le cinéma. Nous, les Français. Et oui, nous, les Français, et qui l'avions en plus inventé. Donc voilà. Mais c'est vrai que le cinéma industriel ne pouvait pas concorder avec l'art de Méliès, qui était l'art, effectivement, de l'artisanat, de l'indépendance, de l'artiste, en fait. Méliès revendiquait ce côté artistique. Il n'était pas du tout un homme d'argent comme Charles Pathé ou Léon Gaumont. Et d'ailleurs, son studio, la Star Film, n'avait aucune assise financière. C'était son propre argent. Il n'y avait pas d'actionnaire. Alors que Pathé ou Gaumont avaient des sociétés énormes par action. Il n'y avait pas de droit d'auteur aussi pour ces films? Comment ça se fait qu'il était pillé comme ça? Exactement. Alors ça, c'est une chose très importante aussi. Le pauvre Méliès, au fond, son succès a été tellement fulgurant et international que tous ses films ont été plagiés à travers le monde entier. Donc finalement, quand il réalise, par exemple, le Voyage dans la Lune en 1902, qui est en fait le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, qui dure 15 minutes, en plus, c'est assez long pour l'époque, il y met beaucoup d'argent. Mais en fait, il va en perdre énormément, parce que ce film clé de son œuvre va être dupliqué partout à travers le monde. Et finalement, il va perdre de l'argent. En 1936, Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque française, avec Henri Franju, viennent voir Georges Méliès et vont tout faire pour essayer de récupérer ses films, de les restaurer. Sur les 500 films environ qu'il aurait réalisés, il y en a la moitié à peine qui sera restaurée, récupérée. Alors Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque, a joué un rôle énorme pour effectivement essayer de reconstituer ce puzzle Méliès qui était totalement dispersé à travers le monde entier à l'époque où Méliès était dans sa maison de retraite à Orly. Donc il a fait vraiment un travail remarquable pour retrouver des films, pour retrouver des archives, etc. Mais il y a un autre personnage très important qui a joué aussi un rôle éminent après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la petite fille de Méliès, qui s'appelait Madeleine, qui était un personnage vraiment merveilleux. Vous l'avez connue? Ah ouais, très bien. Elle était formidable. Elle a passé toute sa vie à récolter des films, à trouver partout, mais dans des endroits incroyables, des fragments de films, des dessins, etc. Elle a fait un boulot merveilleux. Et alors, ce qui est très émouvant pour moi, c'est que cette collection de Madeleine Maltet Méliès a pu être acquise par l'État, par le Centre National Cinématographique. Il a versé à la Cinémathèque française en 2004. Donc les deux collections, celle de Langlois et celle de Madeleine, ont fusionné à cette époque. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Cinémathèque possède la plus belle collection qui soit sur Méliès. Et aujourd'hui, on peut voir cette collection à la Cinémathèque française? À la Cinémathèque française, effectivement, rue de Bercy, vous pouvez voir les plus beaux objets de cette collection phénoménale. Vous pouvez voir la première caméra de Méliès, vous pouvez voir le costume du magicien du Voyage dans la Lune, vous pouvez voir les dessins absolument fantastiques de Méliès, que Méliès dessinait avec un talent inouï, et il dessinait les esquisses de ses films, de ses trucages, de ses décors avant de les tourner. Donc c'est très intéressant de regarder ces dessins, puis de voir les films qui sont naturellement aussi projetés dans l'exposition. Merci beaucoup Laurent Manoni. Je signale que vous êtes l'auteur du livre « Méliès, la magie du cinéma », édité par la Cinémathèque française et Flammarion en 2020, et à lire également donc de Madeleine Maltet Méliès, « Méliès, l'enchanteur », édité à la Tour Verte en 2011. Et bien sûr, il faut aller à la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, à lire également de Didier Blonde, l'auteur de la fiction, son livre « Autoportrait au fantôme, paru chez Gallimard. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site radiofrance.fr. Samedi prochain, 15h, nous partirons au 19e siècle en Afrique et en Angleterre avec un aventurier haut en couleur à la vie follement romanesque, l'anglais Richard Burton, le célèbre explorateur à la réputation sulfureuse. Parti à la recherche des sources du Nil, il était aussi, on le sait moins, un érudit polyglotte, passionné des cultures orientales et africaines. Bravant la censure, c'est lui qui a introduit dans son pays corseté les Mille et une Nuits et le Kama Sutra. 1883, avec Richard Burton, l'Angleterre victorienne découvre le Kama Sutra. C'est samedi prochain dans Autant nous porte l'histoire, à 15h sur France Inter.